À l'occasion du 80e anniversaire de la victoire dans la bataille de Potsdam, le Comité national d'études des idées du Tutsi du Congo démocratique a présenté le 1er juin dans leur homepage Internet le texte intégral de la deuxième partie, Les Flammes de Potsdam 2, du 17e chapitre, La Corée est vivante, du tome 6 de la première partie, La révolution anti-japonaise, des mémoires du président Kim Il-sung à travers le siècle.